matin avant la mort. Tapis dans la routine, il faut s'éteindre le guet. M'en est pas qu'en vitrine, d'un intérieur obsolète. Il ne passera pas.